l'auto, je suis pété. Je suis pas bien, j'arrête pas devant berger. Tu pars en couille avec le tiercé. Je l'ai corsé, j'ai les lèvres gercées. Mamie, je l'ai croisé en ville. Je lui propose un petit encas. Je lui dis raconte-moi ta vie. Dis-moi ce qui ne va pas. Ok, j'écoute un classique. Ça m'a rendu nostalgique. Passe-moi les feuilles et les cycles. La vovo dans la Volvic. Je suis à Marseille City. On fait 50-50. Envoie-moi un selfie. Est-ce qu'elle est seule cette fille? On traîne qu'on fait chin-chin. Les quatre anneaux en Chine. Bientôt la veste en jean. Ça va parler en chiffres. Y'a de la beuh, du shit dans la sacoche. Y'a de la friture, t'entends, poteau raccroche. Je crois en Dieu, aux notes, donc je m'accroche. Regarde-moi dans les yeux, regarde pas mes poches. Regarde-moi dans les yeux, j'ai perdu des proches. Je crois en Dieu, aux notes, donc je m'accroche. Y'a de la friture, t'entends, poteau raccroche. Y'a de la beuh, du shit dans la sacoche. J'écris sur le plan de la ville, sur un écran tactile. Avec un grand pastis, Marseille c'est fantastique. Je me tue au fantastique, on fume pas le plastique. Elle fait la bombe latine, elle a pas la plastique. Ils ont pété le Asie, ouais je m'attendais pas à ça. Et ces bâtards de civils, ils sont venus en djellaba. Qu'est-ce qu'elle a ta sarrasine, rien qu'elle me fait des appels. 13ème à Rouen c'est l'usine, pas besoin que je te le rappelle. J'suis à Marseille City. Je crois en Dieu, aux notes, donc je m'accroche. Regarde-moi dans les yeux, regarde pas mes poches. Regarde-moi dans les yeux, j'ai perdu des proches.